Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. T'es sûr de ton coup, mon Polo? Ah, bien sûr que je suis sûr. Ça me paraît bizarre, même pour Monsieur Pépère. Ben, c'est peut-être le genre d'idée qu'on a quand on a son âge. Ouais, peut-être. Mais c'est bien la première fois que j'entends parler d'une chose pareille. C'est lui qui t'a demandé ça? Ah, bien sûr que non. Ah, il me semblait aussi. C'est ma mère. Quoi? Yep. Ah, ben là, et tu m'étonnes. Ma mère? Ah oui. T'es sûr? Ben là, je suis encore capable de reconnaître ma mère quand elle me parle dans les trous de nez. Oui, oui, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah non? Bien sûr que non. Je me demandais seulement si tu avais bien compris ce qu'elle te disait. Elle n'est pas toujours facile à comprendre, tu sais, ma mère. Elle est à fond le trois quarts du temps. Ah oui, je sais. Mais cette fois-là, elle parlait clairement. Clairement? Ma mère? Non. Peut-être pas clairement. Ben, disons, clairement pour ma mère. Ouais, mais je ne le sens pas, ce truc. Quelque chose cloche, j'en donnerai ma main au chat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux que te répéter ce qu'elle m'a dit, moi. Et si ça fait pas, ben, on va lui demander toi-même. Bonne idée, j'y vais de ce pas, à plus tard! Ouais, c'est ça. Oui, allô? Monsieur Courtemèche? Oui, c'est moi. Artémis Coudon à l'appareil. Ah, Madame Coudon. Que puis-je faire pour vous? Je vous téléphone au sujet de votre charmante invitation. Oui? Le lieu de rendez-vous m'intrigue. Sûrement, il s'est glissé une erreur. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Vous voulez dire? Oui, oui. Nous devons y être pour 14 heures. Comme c'est étrange. Ah, qui sommes-nous pour contrecarrer les désirs d'un vieil homme, hein? Qui sommes-nous, en effet? Tout de même, c'est bien étrange. Au revoir, Monsieur Courtemèche. À tantôt, Madame Coudon. Et puis, t'as vu ma mère? J'ai vu ma mère. Papa ne t'a pas vu, au moins? Non, il était absent. Avant d'aborder la chose, je me suis assuré d'être hors de portée de ses grandes oreilles, tu t'en doutes bien. Et puis, convaincu? Non, pas vraiment. Mais si dit, tu avais raison. Elle m'a répété presque littéralement ce que tu m'avais dit. Il n'en demeure pas moins que j'ai du mal à l'avaler. Je savais, Monsieur Pépère, excentrique, mais à ce point... Remarque, ça m'étonne aussi. Rendez-vous là-bas à 14 heures, tu as dit? Yep. Tu pars. Oui, je dois voir mon cousin Samy pour une affaire. Et tu te souviens de mon cousin Samy? Ah, trop bien. Je croyais que depuis l'histoire des mouchoirs, tu ne faisais plus d'affaires avec lui. C'était mon intention, en effet. Mais il m'a supplié à genoux d'aller voir sa dernière invention, et je n'ai pas su résister. Après tout, Sammy is family, comme on dit en Virginie. Évite de te faire piéger cette fois, hein? Tu sais que tu détestes jouer au MC. Ne t'en fais pas, il ne parviendra pas à m'enguirlander. Ah, je l'espère pour toi. Je te vois à 14 heures. Ouais, c'est ça, à tantôt. Hey, salut, mon vieil! Hey, bonjour, Mike. Et je peux-tu rentrer? Ouais, bien sûr, rentre. Hey, j'ai ici ton invitation. Et tu as des questions au sujet de l'endroit? Oh, non, j'ai pas de problème avec le place. C'est l'heure, ma problème. What is 14 heures? 2 heures de l'après-midi. Oh, OK, then. Je vais te voir à 14 heures. Wow, attends un petit peu, là. Yeah? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis perplexe. Why? Tu n'es pas du tout intrigué par le lieu du rendez-vous. Not at all. How come? Ah, tout ça, c'est pour la pépère? Ah, ben oui. Ben, c'est ça. C'est ça. Ça n'a pas de réponse, ça. Comme si le fait que tout ça était pour pépère expliquait tout. Do you know you're a dreamer? You may think you're a doer,

farmland. That's the way we all walk in the wheel of time. Round and round like a mouse on the cage of our mind. That's the way we all walk in the wheel of time. Round and round like a mouse in the cage of our mind. Et remords de remords. Où est-il, le pépère? Il passe 14 heures et n'a toujours pas donné signe de vie. J'espère qu'il n'est pas encore embarré quelque part, comme lors du garden party de Madame Coudon. Allez, j'appelle ma mère pour une 12e et dernière fois. Avec un peu de chance, elle aura des nouvelles. Elle va finir par me trouver fatiguant, c'est sûr. Remords de papier. Il sera en retard à son propre enterrement, le sacripant. Je lui avais pourtant dit de me retrouver ici tout de suite après le dîner. C'est la dernière fois que je lui organise une surprise partie. Maman, c'est pas le courtomage, votre voisin? Toujours pas de nouvelles de papier, hein? Toujours rien, hein? Et vous n'avez pas d'idée où il est passé par hasard? Pas plus que tout à l'heure, hein? Bon, oui, je comprends. Bon, ben, coudon. Merci quand même. Et remords, j'ai pas trop le choix. Va falloir que je note la patente. Et remords de remords. Voyons voir si je peux encore rejoindre les invités. Pas de réponse. Évidemment, à cette heure-ci, il y a belle lurette que Mme Coudon n'est plus chez elle. Ah, il en ira de même pour les autres, c'est sûr. Je peux toujours essayer le cellulaire du copain annonceur. Il est le seul à en posséder un dans le groupe. Mais en principe, il doit avoir quitté son cousin Samy et rejoint les autres à cette heure-ci. Pas de réponse. Il doit croire avoir été son téléphone. Je me demande à quoi peut lui servir d'avoir un cellulaire. Il le garde quasiment toujours éteint. Bon, ben, je n'ai pas le choix, hein. Je vais devoir me rendre sur place pour leur annoncer qu'il n'y en aura pas de party. Oui, allô? Mon très cher monsieur. Témoin? Oui, c'est bien moi. Ah, je suis encore chez moi, témoin. J'attends Pépère. Pépère? Mais il est ici, le vénéré aïeul. Il était d'ailleurs le premier arrivé. Et c'est impatiente. Comment? Vous voulez dire qu'il est au lieu de rendez-vous? Mais bien sûr. Nous y sommes tous. Sauf vous. Mais comment a-t-il appris qu'il devait s'y rendre? En principe, j'étais supposé l'y conduire sous un faux prétexte. Ah, je l'ignore, mais... Oui, Moran, tu t'en viens-tu ou pas? Tu t'en viens pas? On va pas t'attendre que la fournée, t'sais. Mais... Ah ouais, y'a mis toi, Moran. Si t'es pas là dans 10 minutes, on commence sans toi. Ah non, attends. Les remords de remords. Je comprends rien. Mais pas le temps de jouer aux devinettes. 10 minutes, c'est court en nom de Zeus. Il va falloir que je me grouille. Mais voilà! Ah, c'est pas trop tôt? Où c'est que t'étais? Ben, chez nous, vous savez bien. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, je vous attendais. Ben, pourquoi c'est faire? J'étais ici. Ouais, mais... Vous étiez pas supposé? Comment ça, j'étais pas supposé? Mais j'y étais pas aujourd'hui? Ben oui, c'est aujourd'hui, mais... Qui c'est vous a dit, justement, que c'était aujourd'hui? Et où vous rendre? Ah, ça! Ah, ben, c'est bien simple, mon run. Harry, surpris tes manigances avec ma mère. Ben, vous auriez pas pu me le dire. Oh, à ma de la vie, je voulais pas casser ton fun, mon run. Après tout, c'était une surprise. Bon, ben, on y va-tu, là? On est tous bien, hein, avant que ça ferme. Apparemment, tu n'étais pas suffisamment méfié de ses grandes oreilles, mon prolo. Ah, je vois bien ça. Remords de vieux snorro. C'est beau, hein, mes runs. Ah, regardez-moi le décor. Ça ne manque pas d'une certaine élégance, en effet. Ah oui, suivez-moi. Ah, regardez, mes runs, comme c'était encourageant. Tout ce monde-là qui est venu voir George une dernière fois. Ah, ça fait du bien à mon vieux cœur de voir ça. Vous connaissez le décédé, Monsieur Pépère? Bon, pas tout. Alors, comment savez-vous qu'il se prénomme Georges? C'est écrit en grosses lettres en dessous du gros portrait au bout du cercueil. Tu ne vois pas le radio? Ah, c'est plate à dire, mais pour moi, t'as besoin de lunettes. C'est vrai que c'est écrit bien gros, mon très cher monsieur. Très cher ami, vous devriez consulter un oculiste. Ah, j'en connais une très bonne. Si tu veux, je peux te donner sa phone number. Oh, mais j'ai nul besoin de verre, mon polo, je t'assure. Ouais, moi, je te crois. Bienvenue dans mes bottines, mon vieux. Verre? Je n'avais pas réalisé que c'était ce que tu vivais chaque fois que tu nous rencontrais. Je te plains. Tu seras peut-être plus sympathique à ma cause à l'avenir. C'est promis. Mais où s'en vont-ils tous ainsi? Saluer de mort, je suppose. Allez, amène-toi. Salut, Georges. Comment ça va? Ah, je pense pas qu'elle va répondre. Ah, ils l'ont bien réussi. Pas trop mal, en effet. Il ressemble encore à sa photo. Ah ben, est-ce avoué à cette heure? Le contraire aurait signifié une cécité presque totale, vous savez. Moi, t'as raison, mon petit casse. Ah, c'est plus d'une paire de lunettes qu'il aurait eu besoin, mais d'une paire de yeux. Pour en revenir à la ressemblance, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, je le crains. Certains thanatologues s'avèrent moins talentueux que d'autres. À qui dites-vous, ma bien chère dame? Une consoeur à moi a eu le malheur de tomber sur un lointain cousin de Picasso pour son dernier repos. Vous ne me dites pas? Ah, je vous assure. Qu'avait-il fait? Mis le nez au milieu du front? Oh non, non. Mais elle ressemblait davantage à mon arrière-grand-père qu'à une jeune femme de 35 ans. Méchante mise en plis. Quelle idée! Il lui avait ajouté des rides? Un vieux pruneau, ma bien chère dame. Un vieux pruneau. La famille, en apercevant sa chair disparue, a bien sûr rouspété haut et fort. Mais il était trop tard. Impossible de corriger le massacre? Impossible, en effet. Mais comment a-t-on pu donner à une jeune femme de 35 ans la tête d'un arrière-grand-père? C'est inconcevable. Une surcharge de travail, mélangée à un cas d'ivresse avancée, m'a-t-on dit. Et poisson maudite. Oh, c'est scandaleux. N'est-ce pas? Tout de même, la famille n'a pas tout perdu. La maison funéraire ayant reconnu ses torts, ma pauvre consoeur est allée à son dernier repos gratuitement. Ça me rappelle le cas de la grande-tante de la belle-sœur de l'ami du copain de mon cousin Samy. Vous vous souvenez de mon cousin Samy? Venez-vous-en, mes hun! Mais où va-t-il encore? Ben, saluer la famille. Mais il ne la connaît pas! Et tu crois que ça va l'arrêter? Non, j'imagine que non. Tu mentionnais ton cousin Samy tantôt, J'espère que tu n'as pas investi dans cette nouvelle invention qu'il t'a supplié d'aller voir. Ah, c'est-à-dire que... il vaut mieux que nous suivions le groupe. Mes sympathies, madame. Mes sympathies, mon run. Mes sympathies, ma bien chère dame. Je vais prier pour vous tous. Mes sympathies, mon run. Mes sympathies, jeune homme. Mes condoléances. Mes sympathies. Au revoir, c'est votre frère. Mes sympathies, jeune fille. Je vais prier pour vous. Mes condoléances, jeune homme. Mes condoléances. Mes sympathies. Et vous êtes un autre frère de Horge. Mes sympathies, mon cher monsieur. Je vais prier pour vous. Mes condoléances, mademoiselle. Mes condoléances. Sorry for your loss. Mes sympathies, madame. Elle vient de sa sœur. Mes sympathies, monsieur. Je vais prier pour vous. Mes condoléances, monsieur. Mes condoléances, jeune fille. Sorry for your loss. Mes condoléances, bon courage. Mes sympathies, ma bien chère dame. Je vais prier pour vous. Mes condoléances. Mes condoléances. Sorry for your loss. Mes condoléances. Mes condoléances, ma chère. Mes condoléances. Sorry for your loss. Mes condoléances, bon courage. Mes condoléances, madame. Sorry for your loss. Mes condoléances. Sorry for your loss. Mes condoléances. Mes condoléances. Ah oui, mon reine, amène-toi, tu traînes encore. Je suis soulagé. Les choses semblent être revenues à la normale. On s'en prend de nouveau à toi. Ouais. Malheureusement. Ah, v'là en plein ce que je cherchais. Un salon vide? Ah, un salon presque vide. Ah, regardez-moi donc le beau cercueil exposé là-bas de au fond. C'est-tu pas beau ça, rien qu'un peu? Venez-vous-en, mes jeunes, on va aller voir ça de plus proche. Il est plus excité qu'un ministre des Finances devant une nouvelle paire de souliers. Ah, ça, c'est du beau cercueil, mes jeunes. Ah, regardez-moi ça, la chaîne en passe, ouais. Pis c'est du solide. Ah, c'est un de même que j'aimerais avoir quand viendra le temps. Aidez-moi, mes jeunes. On va l'ouvrir pour voir comment c'est fait en dedans. Mais... Envoyez, envoyez! Ah, oh, mon doux! Il y a quelqu'un à l'intérieur! On devrait peut-être s'en aller. Ce serait plate le déranger. Au point où il en est, je doute que nous puissions le déranger. Ah, c'est plate qu'il y ait quelqu'un dedans. Il cache tout. On voit pas bien comment c'est fait. On n'y peut rien. Allons-nous-en. J'en ai pas question, Boswell de Boswell. À ce coin de site, on va pas partir de même. Pis c'est pas vrai qu'on y peut rien. À la gang qu'on est, on sera capable de le débarquer de là-dedans. Oui, donc, papa, vous y pensez pas? Et c'est une mauvaise blague, assurément. Yeah, bad joke! J'ai jamais été plus sérieux que ça de toute ma vie, mes jeunes. Mais, vénéré aïeul, ce serait de la profanation. Je m'y refuse catégoriquement. Mais je ferai pas de mal à personne, vous savez, mes jeunes. Pis moi, ça me ferait tellement plaisir. À mon âge, vous savez, il y en aura plus gros des journées de même. Puis c'est qui a la chance d'essayer son propre cercueil avant le grand jour? D'habitude, ils te mettent dans la boîte, puis tu t'en rends même pas compte parce que t'es déjà parti. Moi, j'aimerais ça savoir comment je vais être couché pour toute l'éternité. C'est long, l'éternité, vous savez. Mais c'est bien, bien important pour moi, mes jeunes. Mais, papa... Vous feriez pas ça pour moi, mes jeunes? Pour ma fête? Ça serait le plus beau cadeau du monde. On lui a promis que c'était sa journée, hein? Ouais, c'est dur de dire non. En effet. Hey, pis, gang, ça devrait pas être trop dur de faire le job. Vous allez le faire? On va le faire. Saint Malvina, priez pour nous. Madame Coudon devrait sans doute monter la garde à l'entrée du salon. Oh, merci, Monsieur Courtemèche. Yeah, c'est une bonne idée. Anyway, avec les quatre de nous autres, on devrait être capable de faire le job. Comment ça avec les quatre de nous autres? Franco-Comté, l'anglais, pis on est cinq ici dedans. Oh, sure, mais je pensais que comme c'était ton fête, on te fera pas travailler, le pépère. Mais c'est bien vrai, ça. On ne fait pas travailler des gens quand c'est leur anniversaire. Ah, ben, puisque c'est de même, c'est bien correct d'abord. À la bonne heure. Hein, c'est bon, ben, c'est bien beau tout ça, là. Mais comment va-t-on s'y prendre? La manière que je vois ça, mon vieil, on a deux choix. Peut-être même trois. Je ne perçois, pour ma part, qu'une façon de procéder. Je suis curieux de connaître ce que vous avez en tête. OK. First, toute la gang ensemble, on se met dans le derrière de la coffin. On lève tout ensemble de la même bord. Le dead man, il roule dehors de la coffin et flop sur le plancher. Aïe, aïe. Il va pas rien sentir, elle est morte. Je sais bien, mon très cher monsieur, mais c'est le principe de la chose. Ça me semble manquer cruellement de respect envers le défunt. Étonnamment, je suis plutôt d'accord avec notre ami témoin. Moi tout. Well, il y a une manière un bit plus moins pire. Qui est? Toute la gang, on lève le coffin, puis on le met sur le plancher. C'est rien qu'après qu'on lève le derrière. Le dead man, il fera pas flop. Il va juste rouler en dehors de la coffin. Ouais, c'est vrai que c'est un brin moins pire. Mais je suis pas sûr d'aimer ça trop de voir rouler le mort de même. Mais si on fait pas ça de même, il y a rien qu'une autre manière. À moins de faire rentrer, c'est une gros grue. C'est qu'à toute la gang, on pogne le dead man dans ses mains, puis on le dépose someplace or other. Je ne pourrai jamais. Ah, c'est ça où on fait rouler le dead man. On pourrait encore complètement abandonner l'idée. Il n'y en a pas question, le radio. Mais qu'est-ce que c'est qu'on fait là d'abord? Ah, on va rouler le manche, très bien. All right, so tout le monde se place tout le tour de la coffin. Tout le monde est prêt? Un instant, mon très cher monsieur. Je n'ai pas encore trouvé ma prise. Moi non plus. Ah, ça y est. Moi de même. OK, in three, on lève tout le monde ensemble. One, two... Whoa! What is it? Ah, tu penses pas qu'on devrait d'abord fermer les couvercles? Ils risquent de nous débalancer, et puis on ne voit pas ceux qui sont derrière. Ah, yeah, good idea. Jeez, sorry. OK, tout le monde est prêt? On three. One, two, three. Enfer! Il est lourd, le décédé! Je te le fais pas dire! Il n'est pas moins lourd au pied, vous savez. Oh, où va-t-on? That way! Quelqu'un approche! Enfer et damnation! Back, back, quick! Alors? Il a tourné dans un bureau. La voie est libre. Ah, vous avez entendu? Fausse alerte. On remet ça? Bien sûr. OK. Tout le monde est en place? Tout le monde est prêt? Yes. OK. Like before. On three. One, two, three. Il n'est pas moins lourd que plus tôt. J'y dirais même plus. Qui me paraît plus lourd? Tu veux me compter? Yeah. Qu'y a-t-il? Tu m'es échappé. Je vous l'interdis. Oh, c'est hors de ma volonté. Témoin? Oh, Malvinon. Hold it. Impossible. Chut. Vous faites trop de bruit, messieurs, on va vous entendre. J'aimerais bien vous y voir, moi. Alors, que fait-on? Décidez-le. Là ou ailleurs, ça fait pas un pli sur la différence. All right, then on va ouvrir le couvert. À cette heure, toute la gang vient me joindre dans le derrière de la coffin. Il reste juste à lever le derrière de la coffin pour que le dead man roule dans le dehors. Let's go! Oui, à m'a glissé ses doigts dessous. Wait a bit. Now... Oh, live! Chut! Chut! Remordre! Enfer et damnation! Le couvercle s'est refermé de lui-même en penchant le cercueil! Yeah! J'avais pas pensé à ça! La pépère, tu peux-tu rouvrir le couvercle? On va toujours essayer! Ah, ça sert à rien, Mihun! Je suis pas capable! C'est trop bizarre pour moi. Peut-être si Mrs. Coudon... Yo, si je suis pas capable, je serai pas capable non plus. Boswell. À vous deux, peut-être. Moi, on peut toujours essayer, je suppose. Hey, Mahon, amène-toi ici. On a besoin de toi. De moi? Oui, toi. Mais... Ah ouais. Que dois-je faire? M'aider à lever le couvert. Oh, mon doux! Mets-toi à l'autre bout, là! OK, prends ton bout. À toi, on lève ensemble. Un, deux, trois! On va l'avoir! Oh, là! OK, guys, il faut verser le coffin. Assez pour que le dead man roll down the door. Go! Enfer! On a donc bien de la misère. Auriez-vous trop forcé, messieurs? Le cercueil s'est complètement renversé sur le côté. Bien sûr, dans ces conditions, impossible pour nous de garder le couvercle ouvert. Aussi, le décédé est-il toujours à l'intérieur? Yeah, I know. C'est ça qu'on appelle a very badly planned operation. Ben, qu'est-ce qu'on fasse, hein? On s'en donne tout chez nous. Ben voyons donc, mon run, on peut pas faire ça. Et pourquoi pas? Ben, c'est ma fête. Y a rien qu'une chose qu'on peut faire. Faut retourner le coffin sur ce bottom. Demain, on va pouvoir lever le couvert. Et après? Après? Well, il va falloir pogner le dead man avec nos mains puis le sortir de le coffin de même. Oh, tout Jésus! Pendant ce temps, je crois que je vais retourner à la porte reprendre ma surveillance. C'est sans doute la meilleure chose à faire, ma chère. Yeah. Ok, gang, à ton place. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Oh, Dieu, les yeux de ton disparu. On l'a tellement secoué qu'il est tout déculotté. J'ai ouï dire qu'on ne mettait pas de pantalon aux exposés. Moi et tout. Hey, j'imagine que ça fait du sens, puisque d'ordinaire, on n'ouvre jamais cette extrémité du cercueil. Hey, ça doit pas être chaud pour la pompe à eau. Let's do it! Oui, t'as raison. Finissons-en. Oh, toi, j'ai... Mon polo, tu lui prends la tête. J'aimerais mieux les pieds. I'll take the head. Oh, merci, Malfina. Tout le monde est-il prêt? J'aurais dû prendre la tête. On lui voit son Winnie d'ici. In 3, 1, 2, 3... Oh, j'ai dit. OK, let's put him there. Sur la marche? Yeah! Phew! Voilà qui est fait. Phew, en effet. Allez-y, pépère, la place est libre. Elle voit bien, mon hun. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Vous vouliez l'essayer, ce remords de cercueil? Ben, c'est le temps. Ouais, c'est bien... Ne me dites pas que vous avez changé d'idée. Ben... Yep, il a changé son idée. Et remords de remords. Mais si vous diriez si on allait finir sur nous, mes hun, avec ma mère, hein? Et on dirait que pas encore que t'as fait prêt de me coucher dedans, là. C'est plate, hein? Ce n'est guère le mot que j'aurais choisi. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec le mort, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec, mon hun? On va quand même pas l'amener avec nous autres. Vous voulez pas inviter, lui? Mais on peut pas le laisser. Viens-vous-en, mes hun, viens-vous-en. Ma mère, elle m'a fait un buzz-well de beau gâteau de fête, là. Vous êtes tous invités à manger un morceau. Mais, papa... Ah ouais, mon hun, amène-toi! Tu traînes encore! Mais... Hey, en passant, mes hun, c'est qui m'a acheté un cadeau? Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. La musique est de Christian Martin. La chanson, interprétée par Kael, s'intitulait Remember, et la pièce instrumentale, Lala Chorus. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2015 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.